France Inter. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, retour sur une affaire fascinante. L'attaque du train postal Glasgow-Londres dans la nuit du 7 au 8 août 1963. Les pirates du rail ont frappé et ils ont dévalisé la couronne britannique. Tel était le titre du journal Le Monde au lendemain de ce braquage exceptionnel réalisé en pleine nuit par un commando d'une quinzaine d'individus au cœur de la campagne anglaise. Si cette action a tant marqué les mémoires, c'est qu'elle conjugue tous les ingrédients dignes d'un polar qu'aurait pu signer Agatha Christie. D'abord, le vol est extraordinaire par son audace. Ce soir-là, on a braqué avec panache un train comme on braquerait une diligence dans un western. Ce casse, dit du siècle, est sensationnel également par son ampleur. Le butin avoisine les 2 millions et 600 000 livres sterling, soit 50 millions de nos euros actuels et surtout, il ne sera jamais retrouvé. Enfin, ces gentlemen braqueurs ont agi avec une extrême minutie et une incroyable précision. En l'espace de 30 minutes, sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré, ils sont repartis avec leurs magots et se sont évaporés, malgré la traque organisée par les policiers de Scotland Yard. De cette affaire, sans mort ni blessé, sans bavure et tout en démesure, qui 50 ans après n'a toujours pas livré tous ses secrets, le cinéma s'est très vite emparé, en France, notamment avec les films Le Cerveau de Gérard Rouy ou, dans une moindre mesure, Le Pacha de Georges Hautner. Pourtant, cette affaire absolument hors norme n'a rien d'une fiction, ou disons que la fiction dépasse la réalité, comme nous le confirmera après le récit notre invité Doron Mevy. Criminologue, il dirige le cabinet OFEC, spécialisé dans les risques d'homicides crapuleux ou terroristes. Pour lui, cette affaire constitue un dossier sans équivalent dans l'histoire du crime organisé. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France, attaché de production Valérie Bourg, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Laigle, lecture Philippe Pirard, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Jean-Philippe Jeanne. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Décembre 1996, nous sommes à Sepetiba, un petit village de pêcheurs situé à quelques kilomètres de Rio de Janeiro. Autour de nous, pour seul décor, une plage de sable fin. Là, nous avons rendez-vous avec un homme que les policiers d'une douzaine de pays, au moins, veulent absolument arrêter depuis bientôt 30 ans. Cet homme, âgé d'une soixantaine d'années, nous reçoit dans un petit appartement qui n'a rien d'une résidence de luxe. Il nous accueille, bredouillant un approximatif « bonjour ». À son accent, il ne fait aucun doute qu'il est britannique. Et s'il fait figure ici au Brésil de parfait inconnu, il n'en va pas de même dans son pays d'origine, la Grande-Bretagne, où il a été condamné à 30 ans de prison pour l'un des plus grands hold-up du XXe siècle. Un braquage que les médias anglo-saxons considèrent encore aujourd'hui comme le casse du siècle. Installé confortablement au salon, nous lui posons nos premières questions. L'homme allume un cigare et nous répond l'air grave et bien loin, en tout cas, de la décontraction qu'il affichait jusqu'à présent. C'est vraiment une vie très pénible d'être en cavale. Les gens croient que c'est la belle vie, qu'on fait ce qu'on veut, où on veut, autour du monde, avec beaucoup d'argent. Mais en réalité, on souffre et c'est une angoisse permanente. Et c'est loin d'être la belle vie d'aventure que les gens imaginent. On ne peut pas s'installer au même endroit, s'arrêter, être heureux. On doit toujours regarder par-dessus son épaule, de peur que la police soit derrière pour nous arrêter. Non, ce n'est vraiment pas marrant d'être en cavale. Vous laissez votre vie en suspens, dans les nuages. Cela fait bientôt 20 ans que j'ai fait le coup du train. Depuis, je n'ai rien fait de malhonnête. Depuis cette période, je me considère maintenant comme un honnête homme. L'homme que vous venez d'entendre confier son honnêteté retrouvée, c'est Ronald Biggs. Biggs vit ici au Brésil depuis plus de 30 ans. 30 ans qu'il n'a pas vu sa famille, 30 ans qu'il n'a pas remis le pied dans son Angleterre natale, 30 ans enfin qu'il est tout simplement en fuite, pourchassé par Interpol qui a lancé contre lui un mandat d'arrêt international après son évasion d'une prison anglaise. et le coup du train auquel il fait allusion. C'est la légendaire attaque du train postal Glasgow-Londres qui avait défrayé la chronique et fait la une de tous les journaux britanniques et français en 1963. L'affaire du train postal Glasgow-Londres aura une place de choix dans les annales du gangstérisme. C'est en effet le plus gros hold-up de l'histoire criminelle. Les gangsters ont raflé plus de 3,5 milliards d'anciens francs. La police, d'abord, n'a pu que reconstituer l'histoire. Comme dans les meilleurs westerns, les bandits ont arrêté le train en pleine campagne, ligoté les postiers, enlevé 109 sacs postaux bourrés de billets de banque. Bientôt pourtant, enquête et ratissage portaient leurs fruits. On découvrait la ferme isolée où les bandits avaient ramené le butin et la fosse qu'ils avaient creusée pour y faire disparaître les sacs postaux. Et Scotland Yard marquait un point important. Elle arrêtait deux femmes et trois hommes et récupérait 120 000 livres provenant du hold-up. Un blackout complet règne sur ces inculpés dont l'interrogatoire continue. Premier pas sur une piste qui mènera, on l'espère, jusqu'au cerveau qui organisa l'opération. On le sait, le crime ne paie pas. L'attaque du train postal, une affaire qui semble tout droit sortie d'un roman policier. D'ailleurs, lorsqu'on interroge Ronald Biggs à ce sujet, il affiche sa fierté d'y avoir participé. Pensez donc, un butin astronomique, pas de violence et des braqueurs qui disparaissent sans laisser aucune trace, un must. Biggs se montre assez disert lorsque nous lui demandons de nous parler en détail de l'opération. Après quelques instants de réflexion, il nous décrit l'envers du décor, la préparation, l'assaut mené sous la houlette d'un dénommé Monsieur X. Puis, se redressant, il s'exclame. C'était le coup parfait, ça ne pouvait pas mal tourner, pourtant, regardez où j'en suis aujourd'hui. Le regard plein de dépit, l'homme nous confie la raison qui habille la police à la trace des braqueurs tout de même, et elle vaut le détour. Sauf qu'au moment où nous voulons en savoir plus, après une demi-heure d'échange, Ronald Biggs nous est conduit. Peut-être en a-t-il déjà trop dit, ou peut-être se méfie-t-il de nous, car 8 ans plus tôt, lors d'une précédente entrevue avec des journalistes de la BBC, des policiers britanniques avaient tenté de l'arrêter, et il s'en était fallu de très peu pour qu'il ne retourne en prison. Alors, comment lui et sa bande ont-ils réellement procédé pour braquer le train postal Glasgow-Londres ? Qui est donc ce monsieur X que Ronald Biggs désigne comme le chef du groupe? Comment, malgré toutes ces précautions, la police a-t-elle retrouvé la trace des malfaiteurs? Et enfin, comment se fait-il que l'on n'ait jamais retrouvé l'argent? Pour le comprendre, il nous faut revenir sur les différentes étapes de cette histoire. Une intrigue qui nous replonge dans l'Angleterre du début des années 60, à une période où les bandits de grand chemin, pirates du rail des temps modernes, délestaient la couronne britannique de plusieurs tonnes de billets de banque lors d'une chaude nuit d'été. Londres, printemps de l'année 63. Comme bien des histoires anglaises, la nôtre commence dans un pub, un jour de pluie. Deux hommes sont assis à une même table. Le premier est un petit avocat de seconde zone, il s'appelle Brian Field. Or, la police le soupçonne aussi de vendre des informations sur de possibles braquages à ses clients. Autrement dit, cet homme de loi pousse au crime puis défend les criminels. Un business rentable. L'homme avec qui il s'entretient travaille à la compagnie de chemin de fer et il explique à l'avocat que tous les mercredis soirs, le train postal qui relie Glasgow à Londres contient un wagon rempli à craquer de billets de banque. Field, jusqu'à la sceptique, change brutalement d'attitude lorsque son interlocuteur lui dit « J'ai vu les sacs de mes propres yeux à chaque fois, il y en avait au moins 100. » Deux jours plus tard, un homme de grande taille se présente au cabinet de l'avocat au numéro 3 de New Cabot Street, à Londres. Il s'appelle Gordon Goody. Il est fiché au grand banditisme. Et aujourd'hui, il ne vient pas voir Brian Fields et son avocat, non. Non, il vient voir Brian Field, son informateur. Et celui-ci raconte l'histoire du train Glasgow-Londres et de ses sacs de billets. Goody, qui n'a pas participé depuis plusieurs mois à un braquage, est emballé par ce coup. Mais pour le réussir, il doit recruter et trouver les meilleurs. Il se rend donc immédiatement chez l'un de ses vieux amis, un nommé Bruce Reynolds, autre voyou de grand chemin, qui sera probablement intéressé par ce coup qui s'annonce énorme. La scène de leur rencontre est reconstituée dans le film de John Holden, The Great British Train Robbery, réalisé en 1966. Le plus intéressant, c'est en août, après le jour férié, quand les banques écossaises envoient plus d'argent à Londres. Et pourquoi ? Parce que les vacanciers ont fait entrer beaucoup de billets et que les plus abîmés doivent être retirés du circuit. Les billets sont enregistrés ? Justement, non. Pas un seul numéro de série. Pourquoi à Londres, il n'y a pas de déchiqueteuse en Écosse ? C'est la Banque d'Angleterre qui s'en occupe, c'est la loi. Ça vient de l'informateur ? Oui. Tout un train, c'est beaucoup. Et les passagers? Il n'y en aura pas. Que des lettres, des paquets et quelques millions de livres. Et les employés postaux, les cheminots, les agents? 70 à 80 hommes. Et ben voilà. Oui, mais ils ne seront pas armés. Présenté comme ça, l'attaque du train Glasgow-Londres apparaît comme le coup idéal, lucratif et sans risque majeur. Pourtant, à l'inverse d'un braquage classique où il faudrait arrêter un fourgon blindé sur une route de campagne, ici nos gentlemen cambrioleurs vont devoir stopper un train lancé à plus de 100 km/h. Reynolds prend donc contact avec quelques-uns de ses vieux amis du gang londonien du sud-ouest, dont certains sont bien connus des services de police. Ensemble, pendant plusieurs semaines, ils entreprennent pas à pas les premiers repérages. Ils prennent plusieurs fois le train de Glasgow jusqu'à Londres, ils étudient les itinéraires, ils chronomètrent les distances et finissent par trouver l'emplacement parfait pour arrêter le train et le braquer. Cet endroit, ce sera Bridgeloo Bridge, à 45 km au nord de Londres, comme l'explique Bruce Reynolds à ses complices. On a fait un repérage complet des lieux. C'est l'emplacement idéal. La ferme la plus proche est à 300 mètres. Même s'il n'y a rien à craindre de ce côté-là, il faudra couper sa ligne téléphonique et celle des maisons voisines. Aussi attrayant qu'il soit, cet endroit a tout de même un inconvénient. La route la plus proche se trouve à 1 km au sud. Ici, si on décharge le wagon au niveau du signal d'arrêt, les employés du tripostal, en queue de train, vont nous remarquer. Et nous avons en plus près de 100 sacs à porter jusqu'à la route. Ça prendra beaucoup trop de temps. Le mieux sera donc de décrocher la locomotive et le wagon qui transportent l'argent. Et de les conduire jusqu'au pont en laissant derrière nous le reste du train avec les 70 postiers. Et arrivé au pont, on pourra récupérer le magot. Pour réduire le risque, Bruce Reynolds donne l'ordre à ses hommes de se retrouver deux jours avant la date prévue pour l'attaque dans une planque qu'il a lui-même trouvée. Une vieille ferme située à quelques encablures de la voie de chemin de fer dans le comté de Cheddington. Un endroit isolé où, pense-t-il, ils seront à l'abri des regards indiscrets pour mettre sur pied les derniers préparatifs. C'est Brian Field, l'avocat, qui a transmis l'information au groupe de malfaiteurs qui se charge d'acheter la ferme. Lundi 5 août 1963, la météo annonce des températures particulièrement chaudes et un ciel dégagé sur tout le sud de l'Angleterre. Vers 14h, deux 4x4 Land Rover de couleur grise et un camion de transport bâché traversent la petite ville d'Oakley, dans le comté de Cheddington, à vive allure. Dans la rue, des enfants intrigués notent le numéro des plaques minéralogiques de ce véhicule rempli d'hommes habillés avec des combinaisons de peintres. Un peu plus tard, cet après-midi-là, en dehors de la ville, dans la ferme de Laidersleigh, qui sert de planque au commando, on retrouve les deux Land Rover et le camion de transport. À l'intérieur de la maison, tous les participants en casse sont là. Autour de Bruce Reynolds et de Gordon Goody, ils sont 14. Ce sont des amis d'enfance, ils ont entre 25 et 45 ans, tous sont des familles, ils ont parfois fréquenté les mêmes prisons. Parmi eux, il y a Ronald Biggs, le reclus qui nous a reçus en décembre 96 au Brésil. Sa mission, c'est d'aider le pilote de l'équipe à prendre les commandes de la loco une fois que celle-ci aura été stoppée grâce au signal d'attaque trafiqué. Car dans le plan prévu par Reynolds, une fois détachés du convoi, la locomotive et le wagon-fourgon devront encore parcourir plus de 800 mètres jusqu'à Bridgeloo Bridge, lieu où le reste de la bande interviendra pour délester les employés des postes de leurs sacs de billets. Le stratagème imaginé par Reynolds pour ne pas attirer la présence des braqueurs dans la ferme, ce sont ces faux peintres engagés par le propriétaire pour rénover les lieux. Et pour minimiser davantage les risques, toutes les fenêtres sont obstruées par des draps ou des couvertures. Les voitures sont recouvertes de branchages pour donner l'impression qu'elles n'ont pas servi depuis longtemps. Vu de loin, la ferme donne l'étrange impression effectivement d'être laissée à l'abandon. Pourtant, à l'intérieur, ce sont bien 16 hommes déterminés qui attendent le grand soir. Le soir où ils s'empareront du précieux chargement du train Glasgow-Londres. Love me do, oh, love me do. août 1963, gare centrale de Glasgow. La grande horloge située dans le grand hall sonne 18h30. Sur le quai numéro 11 règne une grande agitation. Une vingtaine d'employés des services postaux chargent 5 wagons de sacs apparemment très lourds. Derrière eux, un contrôleur de la compagnie observe et note sur son carnet la progression du chargement. Autour de lui, on distingue plusieurs dizaines de policiers qui font guet. Ce soir-là, en effet, comme l'avait prévu le mystérieux informateur, les sacs postaux du train Glasgow-Londres ne contiennent pas uniquement du courrier. Oh que non, il y a aussi de l'argent, beaucoup d'argent. Nous sommes mercredi, après un long week-end férié dans le Royaume-Uni, les banques écossaises transfèrent vers leur siège à Londres tout ce qui était dépensé par les touristes anglais. Mais, afin de ne pas éveiller les soupçons, les mesures de sécurité autour du convoi sont cantonnées à leur strict minimum. Pas de garde armée à bord de la rame, les convoyeurs s'enferment juste hermétiquement dans le wagon numéro 2, dit wagon-fourgon, et placent l'argent dans des coffres cadenassés pour le mettre en sécurité. Alors qu'on continue de charger les sacs remplis d'argent dissimulés entre les paquets de courrier, à quelques dizaines de mètres de là, en haut dans le poste de contrôle des voies, un employé de la compagnie de chemin de fer observe la scène. Aujourd'hui, c'est son jour de repos, mais il a demandé à venir travailler. L'homme décroche son téléphone et compose un numéro anglais. À l'autre bout de la ligne, son interlocuteur lui répond. Allô ? Allô ? Ouais. Ouais, je vois. Bon, donc ce que tu me dis là, c'est que le train sera bien à l'heure, que le convoi se compose d'une loco suivie par un wagon-fourgon et 4 postaux. Mais que d'autres s'ajouteront en cours de route. Tu es sûr que c'est bien le deuxième wagon dans lequel est stocké l'argent ? Alors, je ne veux pas avoir de mauvaises surprises une fois sur place. Tu me confirmes aussi qu'il n'y a pas de garde armée à bord ? Ok. Bon, on a déjà reçu l'itinéraire du train. Bon, par contre, je t'arrête tout de suite. Tes questions, tu te les gardes. Nous, on sait ce qu'on a à faire. Toi, tu rentres chez toi et tu te fais oublier. Et si tout va bien, dans 2 jours... tu recevras un joli petit colis au courrier. L'homme au bout du fil qui vient de raccrocher, c'est Gordon Goody. Et l'homme qui l'appelle de Glasgow, c'est son mystérieux informateur. Alors Goody prévient Bruce Reynolds. Cette fois, l'opération est lancée, les hommes peuvent se préparer. Au même moment, à la gare de Glasgow, près du train, personne ne se doute de la conversation qui vient d'avoir lieu. Et le chef de gare annonce le départ d'un coup de sifflet habituel. En résumé, rien à signaler. Il est 18h50, parfaitement à l'heure, la motrice du train postal Glasgow-Londres démarre. Dans un fracas mécanique caractéristique jumelé à l'épaisse fumée noire de son moteur diesel, le convoi ferroviaire s'élance sur les rails et s'éloigne progressivement. Il lui reste 640 km à parcourir pour rejoindre Londres, une destination qu'il doit atteindre en milieu de nuit. 3 heures plus tard, après avoir passé la frontière avec l'Angleterre et alors que la nuit tombe, le train marque plusieurs arrêts pour charger de nouveaux wagons eux-mêmes remplis de nouveaux sacs d'argent et de courrier. Ensuite, le convoi prend la direction du sud. À minuit et demi, dans leur wagon, les 70 postiers s'activent. Les uns trient le courrier, les autres mettent l'argent en sécurité. Dans la cabine, on retrouve Jack Mills, le pilote et son assistant mécanicien. Les deux hommes se préparent à une longue nuit de labeur et ne se doutent pas un instant qu'à tout juste 300 km de là, plus au sud, on les attend. Au même moment, dans la ferme isolée de Leyders Lake, dans le comté de Chillington, notre petit commando se met en route à bord de ses 3 véhicules. Après 30 minutes de trajet, ils arrivent à Bridego Bridge, lieu désigné pour l'interception. Chacun des 16 hommes présents ce soir-là enfile une cagoule et se met au travail. Chacun sait ce qu'il a à faire dans une organisation presque militaire. 1 heure plus tard, les fils téléphoniques des fermes alentours sont tous sectionnés. Le feu vert de signalisation principale de la voie est trafiqué et passe au rouge, ce qui oblige bien sûr tous les trains à s'arrêter. Puis, tapis au sol, à quelques mètres de la voie, les hommes attendent que le Glasgow-Londres arrive. Après 1 heure d'attente, à 3h04 du matin, on aperçoit au loin le phare blanc de la locomotive du Glasgow-Londres. Le convoi se rapproche à allure normale avant de ralentir à la vue du signal lumineux rouge et de s'immobiliser. Comme le veut le règlement, le mécanicien descend pour aller téléphoner au poste d'aiguillage et demander la consigne à suivre. Mais à peine a-t-il fait quelques pas dans le noir que les membres du commando se saisissent de lui et le menottent avant de retourner à la locomotive. La suite, c'est Ronald Biggs, l'un des assaillants, qui la raconte. Nous avons aussitôt pris le contrôle du train et notre chef, M. X, sauta dans le train et frappe le conducteur Mills lorsque celui-ci s'est lancé vers lui. Après, tout le monde y est monté. Les autres ont détaché les wagons où se trouvait l'argent. Mills a été contraint de conduire jusqu'au pont Brigedo. Il s'est arrêté sur le pont et puis nous avons attaqué le wagon des valeurs. Nous avons forcé la porte et neutralisé les hommes. Et nous avons commencé à décharger. Nous avons descendu les sacs le long des bas-côtés, les avons chargés dans le camion, et c'est là qu'a commencé le long retour à la ferme Leatherslade. Une demi-heure plus tard, sans que le moindre coup de feu n'ait été tiré, nos gentlemen cambrioleurs s'en vont en portant 120 sacs remplis de billets. Ils laissent derrière eux un équipage pétrifié. Dans la nuit noire, le convoi composé de deux Land Rover et du camion dans lequel sont chargés les sacs remplis de billets s'éloigne en prenant soin d'éviter les grands axes routiers. À bord du premier 4x4, qui file désormais en direction de la ferme de Leatherslade, Gordon Goody, euphorique, félicite ses hommes. Vous n'avez pas dit que ce serait un coup facile? Maintenant, comme prévu, tout le monde fait profil bas. On va rester quelques jours à la ferme, le temps que les choses se tassent. Ne vous inquiétez pas, on a suffisamment de provisions pour tenir au moins une semaine. On en profitera pour fêter l'anniversaire de Ronnie. Quant à nos femmes, elles nous croient parties en voyage, non? Eh bien, le voyage durera plus longtemps que prévu. Demain matin, on videra les sacs dans le lobby et on répartira les parts. Avis donc à ceux qui voudraient piocher dedans avant le partage. Personne ne touche à l'argent. Ai-je été clair? Ok, c'est clair. Au même moment, à 10 km derrière, sur le lieu du braquage, l'un des convoyeurs sort du wagon et alerte ses collègues. Sur les ondes radio de la police, un message général alerte toutes les unités du comté de Buckinghamshire et leur demande de se rendre sur la zone où a eu lieu l'attaque du train. La police arrive sur les lieux 2 heures après l'attaque. Le jour se lève et la plus grande confusion règne sur la voie ferrée. Les policiers constatent que l'avant du train qui avait été détaché par les malfrats a été de nouveau déplacé par les agents des chemins de fer. Et comble de l'absurde, un technicien croyant bien faire a réparé la signalisation trafiquée par les braqueurs. Mais le plus grave, ce sont peut-être ces dizaines de personnes qui déambulent sur la voie ici et là et qui détruisent au passage de nombreux indices. La police du comté de Buckinghamshire est débordée. Alors, on demande à Scotland Yard de se charger de l'enquête. Le superintendant Thomas Butler se rend donc sur place avec plusieurs de ses hommes pour interroger les premiers témoins et définir une stratégie pour retrouver les malfrats. Quand la bande a-t-elle quitté les lieux? Ça, je n'en sais rien. Comment ça, vous n'en savez rien? En partant, vers 3h30, ils ont dit qu'on devait rester tranquille une demi-heure et que quelqu'un nous surveillait dehors. Ils ont dit une demi-heure, vous êtes sûr? Oui, une demi-heure. J'ai besoin d'une punaise, d'un bout de ficelle et d'un crayon. Ils n'ont pas pu aller beaucoup plus loin que ces 50 kilomètres. Il faudra des semaines pour fouiller un tel périmètre. Écoutez, faites en sorte que vos hommes s'y mettent immédiatement. Pour les autorités britanniques, l'attaque du train Glasgow-Londres est un échec et surtout un sérieux affront. Non seulement les malfaiteurs ont osé s'attaquer à la poste royale, mais ils ont fait main basse sur la somme de 2 millions et 600 000 livres, une fortune. Qui plus est, la nouvelle fait la une de tous les journaux et la cavale des voleurs, tout comme la disparition du butin fascine le public, et bien au-delà des frontières britanniques. André Brière, avez-vous des nouvelles fraîches sur l'enquête sur le fameux hold-up Glasgow-Londres? Où en est-on précisément? Eh bien, l'enquête se poursuit et d'après l'inspecteur principal de Scotland Yard, le butin n'est peut-être pas très loin de l'endroit où s'est déroulée l'attaque. Peut-être même dans un rayon d'une cinquantaine de kilomètres. Mais Scotland Yard continue de travailler dans le plus grand secret en suivant toutes les pistes, même les plus fantaisistes. Même les appels de détectives amateurs sont écoutés, ils affluent d'ailleurs du monde entier, et il a fallu monter de nouvelles lignes pour y répondre. Disons que pour le moment, Scotland Yard ne possède que quelques éléments matériels encore incertains et des éléments psychologiques aléatoires. Côté psychologique, c'est évidemment la possibilité qu'un membre de la bande se laisse tenter par la récompense promise, je vous en rappelle le montant, 260 000 livres sterling, c'est-à-dire approximativement 4 millions de francs. Scotland Yard lance une chasse à l'homme. Les maisons sont fouillées, les voitures arrêtées. Rien de ce qui se dit ou ce qui se passe dans le périmètre de recherche n'échappe aux inspecteurs. Et très vite, le superintendant Butler remonte caillou après caillou la piste des braqueurs du train postal. Tout d'abord, il est averti que des enfants, oui, rappelez-vous, ceux qui jouaient à noter le numéro d'immatriculation des voitures le long de la route d'Oakley, ont vu passer plusieurs fois un étonnant convoi de trois véhicules qui se dirigeaient vers l'ouest. L'enquêteur en chef en déduit que c'est dans cette direction-là qu'il faut chercher une éventuelle planque des braqueurs. Puis c'est un fermier qui témoigne que l'une des fermes à proximité de la ville est occupée par un étrange groupe de personnes qui se prétendent être des peintres. Butler perquisitionne la ferme dans la foulée. Sur place, à Laidlaw, 48 heures après le braquage, l'endroit est vide, mais il a été récemment occupé par un groupe d'individus. En témoignent les matelas, même le sol, la cuisine pleine de détritus et de nombreux outils qui auraient pu servir au braquage. Et surtout, le superintendant Butler met la main sur des sacs postaux qui proviennent de Glasgow-Londres et sur près de 100 000 livres. Des sacs, oui, mais aussi des liasses de billets sur lesquelles on identifie des empreintes. Les braqueurs ont filé chacun de leur côté, mais dans la précipitation, ils ont laissé de nombreux indices derrière eux. Le gros du butin a été rapatrié en urgence dans la voiture de l'avocat Brian Field et stocké chez lui. À ceci près que la police, qui possède une fiche sur chacun des acteurs du milieu du banditisme londonien, est sur leur piste. Trois jours après l'attaque du train postal, la police sollicite tous ses indices. Et le 22 août, Scotland Yard publie dans un journal une liste de trois noms, trois suspects, dont un certain Bruce Reynolds. Des avis de recherche sont placardés dans toute l'Angleterre. La récompense de 260 000 livres intéresse tout le monde, évidemment. Alors, les uns après les autres, la plupart des membres du commando sont interpellés, certains chez eux, d'autres dans des hôtels où ils pensaient avoir trouvé refuge. Parmi eux, Ronald Biggs, notre interlocuteur au Brésil, 30 ans après. De son côté, Bruce Reynolds se cache, il est en cavale, échappant à plusieurs reprises à la police. Le gouvernement britannique, lui, veut un procès rapide et efficace pour laver l'affront. D'autant plus que les braqueurs du train postal apparaissent aux yeux de l'opinion comme des Robin des Bois des temps modernes, en un mot populaire. Le procès s'ouvre le 26 septembre, soit un mois seulement après le braquage, un record. Et malgré des preuves qui les désignent tout au plus comme complices, mais pas comme participants directs ou du menu fretin, les 10 des membres du commando sont quand même condamnés à de lourdes peines. Malgré son second rôle, Ronald Biggs, par exemple, écope de 30 ans de prison. Idem pour Gordon Goody. Faut pas énerver la couronne. L'histoire ne s'arrête pourtant pas là. Deux ans plus tard, Ronald Biggs s'évadera de la prison de haute sécurité de Wanston, où lui et ses complices sont emprisonnés. Il rejoint l'Australie, puis le Brésil, et y restera caché plus de 40 ans. C'est à ce moment-là que nous le rencontrons à ses petits bas, à côté de Rio de Janeiro. Entre-temps, Bruce Reynolds, le cerveau de l'affaire, est lui aussi arrêté. Il restera 10 ans en prison avant de bénéficier d'une libération conditionnelle. Par la suite, Biggs va quitter sa cachette et revenir en Angleterre en 2010, où il sera de nouveau jugé et emprisonné. Reynolds et Biggs sont tous les deux morts en 2013, emportant avec eux une grande partie des secrets de toute cette opération. Car malgré l'ouverture des archives de Scotland Yard, on ne sait toujours pas qui étaient les autres membres du commando jamais retrouvés. Mais surtout, 42 ans après, le mystère demeure autour de l'argent du CAS, les 2,5 millions de livres jamais retrouvés et peut-être d'ailleurs jamais dépensés. Ou encore, comme moralité de l'histoire, comment dérober tant d'argent sans pouvoir en profiter. Run it. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'attaque du train postal Glasgow-Londres, dont nous allons parler avec notre invité Dornevy. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes criminologue, vous dirigez le cabinet OFEC, hein, spécialisé dans les risques d'homicides crapuleux ou terroristes. Pour vous, cette affaire constitue un dossier sans précédent, j'imagine, dans l'histoire du crime organisé. D'ailleurs, j'en profite pour informer nos auditeurs que vous êtes l'auteur d'un excellent ouvrage de synthèse intitulé tout simplement Braquage, hein, aux éditions du CNRS, dans lequel vous dressez un panorama du monde des braqueurs, dans lequel vous analysez également les moyens déployés pour combattre cette forme de délinquance. Alors on dit le cas du siècle, d'ailleurs c'est du siècle dernier, hein, c'est vrai, on est à l'orée du siècle actuel, donc c'est, quand on dit le siècle, c'est vrai que c'est encore le 20e. C'est le cas du siècle pour vous ? C'est une affaire dans tous les cas qui a défrayé la chronique à l'époque et qui a été considérée comme le cas du siècle, mais comme ça a généré énormément de vocations, je pense que depuis il y en a pas mal d'autres qu'on peut également qualifier de cas du siècle. Est-ce que Spaggiari par exemple, ce serait inspiré de ce genre de braquage dans la mesure où il mettait toujours en avant qu'il n'y avait pas une mort, que c'était propre, entre guillemets. Là, c'est pareil, hein, il n'y a pas de crime de sang, quoi. Alors, il y a, effectivement, comme vous dites, déjà, d'autres personnes, effectivement, connues, qui après ont reproduit des montages, on va dire, un petit peu fantasmatiques. Mais, c'est vrai qu'il surprend ce braquage parce qu'il y a, effectivement, pas mal de facteurs qui sont venus et qui ont donné cette aura derrière, sur laquelle ils ont beaucoup joué, peut-être même surjoué, et c'est tout ça qui fait aussi que le cinéma s'en est emparé. Les braquages, ils sont souvent bien préparés. Même un braquage lambda, on va dire, bas de gamme, entre guillemets, il faut un minimum de préparation. Donc déjà, dans la partie de la préparation, effectivement, il y a quelque chose d'assez fantasmatique. Le fait de prendre un nombre aussi important de participants, vous prenez autant de risques de fuite et d'erreurs après le sinistre. Après, il y a pendant le sinistre dans l'espace-temps, parce que dans l'espace-temps, il y a trois phases, donc il y a la préparation, l'incident et après l'incident. Et il faut pas faire d'erreur sur les trois, on va dire. Sur l'incident en soi, c'est vrai que c'est surprenant d'arrêter un train, faire, on va dire, du sabotage, manipuler les feux, etc. Il y a un côté Far West, presque un côté attaque de diligence, et puis après attaque de train. Voilà. Bah, le braquage, effectivement, quand on y pense, c'est le Far West. Ouais. Maintenant, ça existait aussi bien avant, même à l'époque des coquillards dans les forêts de Montmorency, on braquait la dîme du roi local. Bon, c'était beaucoup plus cruel et criminel, et il y avait des morts. Avec le temps, les armes à feu sont apparues, ça l'est beaucoup moins. Et ce côté-là aussi rajoute un côté fantasmatique, puisqu'il n'y a pas de morts, pas de blessés. Donc là, vous rajoutez le côté Robin des Bois. Derrière aussi, il y a le post-sinistre, c'est-à-dire qu'après l'incident, vous vous retrouvez dans une sorte... Et c'est là que je pense qu'ils ont péché aussi, ils ont fait des erreurs. S'ils ont laissé la ferme avec autant d'indices, c'est qu'ils sont un petit peu partis précipitamment. Mais derrière, il y a eu, dans la manière dont ça s'est déroulé, la fuite, les évasions, pas retrouver l'argent. C'est-à-dire, dans l'après-sinistre, on retrouve également pas mal d'éléments qui renforcent ce fantasme. Alors, vous dites très justement que le cinéma s'est emparé de cette histoire parce qu'elle est complètement romanesque. Évidemment, il eût été tellement étonnant que le cinéma ne s'en emparera pas. Alors, il y a eu Le Cerveau. Bon, ça, c'est Gérard Horry, donc il y a un côté comique avec David Niven qui fait rire, évidemment. Il y a d'autres films. C'est quoi le film qui se rapprocherait le plus de la vérité documentaire, si j'ose dire, parmi les films que vous avez vus tirer de cette affaire-là? Écoutez, je sais pas véritablement. Ce que je suis sûr, c'est que derrière tout ça, il y a le braqueur, à la base, on ne naît pas braqueur. Donc déjà, effectivement, les gens qui ne sont pas malhonnêtes le savent aussi. Donc on regarde, il y a trois manières en fait de le devenir, qui sont également des processus, si vous voulez, de maturation criminelle. Au début, on a 8 ans, on est un enfant, on est dans un processus de frustration, on évolue. Donc le premier processus qui se met en place, c'est la frustration matérielle notamment, ou psychologique, d'acceptation sociale. Et après, vous avez un petit problème de frustration et également d'apprentissage par mimétisme. Et les trois combinés, et c'est là aussi que ça renforce un peu ce fantasme, c'est que les trois combinés ont fait qu'on a affaire à une affaire exceptionnelle, c'est que même des gens qui n'étaient pas, on va dire, des chevronnés, entre guillemets, ont quand même réussi à faire, entre guillemets, le coup du siècle. Et puis derrière, après, il y a eu des erreurs, mais la police, sur le coup, on est 1963, mais aujourd'hui, c'est pas possible, un truc comme ça. Et le casse parfait. C'est pas possible à cause des moyens dont dispose la police aujourd'hui. La police scientifique, les moyens de protection électronique ou physique des valeurs, et puis aussi, le côté aujourd'hui, on est plutôt sur de l'appât du gain rapide et sans risque. Là, les gens, ils ont pris énormément de risques pour finalement, au niveau des gains. Mais... Après, il y a quand même une question qui reste ouverte. C'est cette histoire d'informateur qui, là aussi, donne une sorte d'étincelle dans le fantasme. C'est qu'on sait, on ne sait pas, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui est à l'origine de ça, le cerveau, l'informateur. Il y a toujours un informateur dans pratiquement tous les cas, on va dire, rocambolesques. Mais le côté du cerveau, là, c'est vraiment Hollywood, c'est le cinéma. Parce que le cerveau, je ne sais pas, parce que derrière, une fois que c'est terminé, ils se sont sauvés, pas sauvés, évadés, pas retrouvés, en partie, condamnés, pas condamnés. Mais on peut dire tout ce qu'on veut. Donc c'est, à mon avis, certain qu'il y a eu une sorte d'enrobage ou de surdimension du truc, ça a été un petit peu peut-être, un peu exagéré peut-être. Ils en ont joué en tout cas de cette... En tout cas, le braqueur, si on regarde la population criminelle, est souvent quelqu'un qui a un ego important. Un ego, oui. On l'a vu avec Spaggiari, on l'a vu avec d'autres. Hein. Pratiquement tous, et ils sont rarement repentis. Donc on regarde les populations criminelles pour retrouver des proxénètes repentis, des terroristes repentis, des tout ce que vous voulez repentis. Le braqueur, si vous cherchez, vous en trouverez pas beaucoup. Alors peut-être que là, en plus... plus circonstance aggravante, c'est qu'effectivement, comme il n'y a pas de mort, pas de blessés, qu'on tue personne, ils peuvent se retrancher derrière le côté Robin des Bois, on va prendre l'argent là où il est, il y a ce côté-là aussi, riche. Il y a ce côté, on prend l'argent aux riches. Sauf qu'ils ne le redistribuent pas, enfin bon. Évidemment. Contrairement à Robin des Bois. Évidemment. Mmh. Et en même temps, vous avez affaire à quelque chose, ça génère des vocations. C'est clair que quand vous regardez, vous faites des bêtises, vous volez, parce qu'ils étaient tous des petits cambrioleurs. D'ailleurs, ils ont pris les 30 ans de prison, pas uniquement pour le fait de les punir, d'avoir fait un affront à la couronne, il y avait aussi le fait qu'ils avaient un lourd passé, qu'ils n'avaient pas payé pour tous les crimes qu'ils avaient fait avant, et là, ça a été une bonne occasion de leur faire un package. Donc, en soi, mais ils ont dû générer quelques vocations derrière. Effectivement, dans l'époque, on avait d'autres cas qui sont survenus qui étaient aussi retentissants. Est-ce qu'ils étaient... vous n'y étiez pas non plus, mais... Non, j'étais pas né. Bon, mais vous avez peut-être étudié l'affaire. Est-ce qu'ils avaient ce côté de gentleman qu'on fait ressortir à chaque fois, encore une fois, parce qu'il n'y a pas une mort. Donc forcément, on dit, c'est des gentlemen, c'était vraiment ça ou non? D'après ce que vous me dites, c'était des gens qui avaient déjà fait... Écoutez, ça reste des actes délictueux. Ça reste des gens qui... Bon, c'est peut-être pas des criminels au grand chemin qui tuaient pour le plaisir de tuer. Et d'ailleurs, c'est pas du tout... En général, le mec qui tue pour tuer, enfin, il fait autre chose que le braquage parce que c'est très risqué. Mais non, c'est l'appât du gain rapide et sans risque. En général, c'est d'abord pour gagner de l'argent. Par contre, après, on a l'effet médiatique, ça c'est sûr que ça a dû jouer, mais c'est surtout l'aura, l'ego. Et le braqueur est, encore une fois, une personne qui souvent adore... ceux qui écrivent des bouquins ou qui sont interviewés, ils racontent des trucs aux journalistes qu'ils n'ont même pas dit à leurs parents. Donc on a affaire vraiment à quelque chose de très fort. En même temps, ils ne peuvent plus s'arrêter. Et à partir du moment où ils ont touché à cette aura, qu'ils ont dans leur monde, mais qu'ils ont aussi dans le monde, entre guillemets, légal ou licite, il y a une certaine satisfaction personnelle, quelque part. Qui doit venir peut-être aussi du fait qu'ils ont fait quelque chose, comme au cinéma... Sauf que c'est la réalité. Et puis ils ont écrit aussi l'histoire, puisque derrière, effectivement, il y a 3-4 films qui sont sortis, des bouquins, des interviews, il y a même une chanson des Sex Pistols, je crois, qui était sortie là-dessus. Et donc, encore une fois, oui, ça a dû renforcer pas uniquement leur ego, mais également le fait de se dire « j'ai fait un truc et je suis écrit dans les livres d'histoire ». Comment réagit les autorités? On l'a dit, pour eux, c'était un affront. Il y a dû y avoir une mobilisation générale, c'est presque un traumatisme. Oui, alors on en a eu aussi en France des traumatismes mais le braquage par exemple de Harry Winston que l'on avait eu en 2007 et 2008, où là aussi on a vu pratiquement le même braquage à moins d'un an d'écart sur une haute joaillerie parisienne, il y avait une priorité pour effectivement stopper ça. Parce qu'on sait derrière que ça génère d'autres choses, et en même temps, il faut l'exemple. Donc c'est clair que là, il y avait un affront, entre guillemets, presque politique. Mais je pense pas que c'était leur motivation première. La motivation du braqueur... Non, pas forcément. Non, moi, j'étais sur le constat. Alors, c'est un constat, ça c'est sûr que ça énerve, au minimum. Et puis après, derrière, ça a été une course-poursuite. Pour le coup, les policiers, quand on lit le déroulé de l'enquête, ont travaillé très rapidement et ont identifié l'équipe avec les empreintes, etc. Oui. Donc pour le coup, la police a fait ce qu'elle avait, mais oui, peut-être que le gouvernement de l'époque avait moyennement apprécié cette affaire. Bien, on va y revenir après avoir écouté Electric Live Orchestra, et ce sera Last Train to London, cette circonstance, et c'était en 1979. Dans Navy, donc, on dissèque ce braquage du train Glasgow-Londres en 1963, qui est à la fois une réussite et un échec. C'est une réussite parce que c'est spectaculaire, parce que c'est sans violence, parce que finalement, ces 2 millions 600 000 livres sont bel et bien dérobés, parce qu'on ne retrouve pas tout le monde, mais c'est un échec aussi parce qu'on en retrouve certains, finalement, relativement vite, et on y reviendra, parce que ça, c'est l'autre côté fascinant de l'affaire, on ne retrouve pas l'argent, et on s'est dit que ces gens qui sont en cavale, ils n'ont probablement pas profité de cette manne dont ils rêvaient profiter. Donc à la fois, on y a un succès et un échec. À l'époque, on l'a à peine évoqué tout à l'heure, les méthodes policières étaient ce qu'elles étaient, contrairement à aujourd'hui. Il fallait des résultats tout de suite, il n'y avait pas tous les moyens scientifiques dont on dispose aujourd'hui. Et en même temps, quand même, les policiers ont été servis par des empreintes. C'est étrange, cette affaire, parce qu'à la fois, ça fait très pro de la part des braqueurs, et ça fait aussi un peu amateur. Oui, alors, ils peuvent très bien préparer... Bon, c'est ça, le calcul de risque, avant que vous faites un montage pareil, c'est vous essayez d'imaginer... gérer les risques, c'est imaginer le pire. Alors, ils imaginent, ils sont beaucoup, donc c'est plus compliqué, ils prennent des risques. Mmh. Après, encore une fois, l'appât du gain rapide et sans risque est plus fort que tout, donc on le fait quand même. Et puis après, derrière, c'est surtout derrière, en fait, le temps est leur ennemi. Le policier, le temps est son ami. Autant en amont, ça ne l'est peut-être pas, mais après, le policier sait que sur les très gros casses, il va prendre son temps, il va mettre des informateurs avec qui il travaille déjà, ou peut-être des nouveaux. On peut faire des appels à récompense, méthode qui d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, peut être utilisée. On l'a utilisé sur l'affaire d'Harry Wilson, par exemple, des appels à récompense à Genève, à Londres ou ailleurs en Europe, ou à Anvers à l'époque en 2003, lorsqu'ils avaient volé tous ces diamants. On peut le faire. Ça marche rarement. Par contre, là, c'était 10% du butin, d'ailleurs. Hein. 260 000, c'est 10%. C'est à peu près la même somme qu'on peut retrouver aujourd'hui sur des dossiers plus modernes. Mmh. Mais encore une fois, le temps est donc l'ami de l'enquêteur. Et puis après, on va jouer aussi sur la vanité. C'est-à-dire que les personnes que vous arrêtez qui rentrent en prison vont rester enfermées, peut-être avec des gens, je ne sais pas. C'est très difficile, quand on a un ego fort, de garder un tel exploit en secret et de vivre avec 15, 20 ans sans le dire à personne. Donc, dans tous les cas... Effectivement, ça reste difficile d'arriver. Il faut se cacher, voir sa famille, ses copines, voyager, c'est compliqué, des faux papiers, sortir dans la rue. Il y en a même certains qui ont fait de la chirurgie. Et donc tout ça aussi, encore une fois, on a des choses qui font penser à des trucs qu'on voit au cinéma. Mais c'est pas facile, hein, derrière. Donc, comme vous le disiez justement dans la première séquence, dans le début de l'émission, il est presque en train de regretter. Il regrette pas vraiment, parce que bon, voilà, il l'a fait... Faut pas avoir de regrets, mais il pensait peut-être pas que c'était aussi difficile de se cacher après. Ça fait basculer sa vie, parce que sa vie après, il le dit, c'était une vie de cavale, c'était une vie d'angoisse. Le braqueur se projette pas si loin. C'est-à-dire que les gens qui vivent dans le monde licite, même jusqu'à aujourd'hui, vous voyez les profils plus modernes, ce qui les caractérise aussi, c'est le fait que quand ils réfléchissent à cette prise de risque, enfin, je sais pas, nous, on est dans un monde licite, on se dit, je vais faire tel risque, ou je vais me projeter dans 10, 15 ou 20 ans. Enfin, le criminel, il a une vision à très court terme de ce qu'il va en faire, de son gain. Alors, évidemment, les gens qui le font pas, ou qui regardent, ou qui l'ont pas encore fait, se disent, je vais faire plein de trucs, je vais m'acheter plein de choses, etc. Ceux qui, une fois qu'ils l'ont fait, se rendent compte très rapidement que c'est très difficile déjà. Bon là, à l'époque, l'argent n'était pas marqué, pas numéroté, mais aujourd'hui, de dépenser tout cet argent sans se faire attraper, c'est difficile. Vous dérobez des bijoux, des diamants, faut savoir quoi en faire, etc. Contre des resellers. Évidemment, donc il faut, en fait, la règle entre guillemets, s'il devait y avoir un crime parfait, ça aurait été de préparer autant l'amont que l'aval. Mais ça, c'est une équation très facile en théorie. Dans la pratique, un braquage, voilà, vous préparez l'amont, vous faites tout ce que vous pouvez, mais il y a toujours des imprévus. Comment est-ce qu'on mesure le niveau d'ingénierie ou d'expertise des auteurs? C'est donc comment est-ce qu'ils vont gérer les imprévus? Ici, ils les ont plus ou moins bien gérés, ce qui a renforcé leur aura, mais on finit toujours par se faire attraper. Alors, justement, ils sont une vingtaine, c'est ça, en 10 passant procès. Alors là, on a des peines très très lourdes, on l'a dit, y compris pour ceux qui n'avaient pas un rôle majeur. Ça renvoie bien quand même à la façon dont les autorités britanniques et policières, et donc leur traduction judiciaire, ont réagi. Elles paraissent quand même ces peines assez disproportionnées, non? Alors c'est vrai que, à comparer avec aujourd'hui, enfin, je suis pas encore une fois avocat ni expert en cadre juridique, mais c'est très très rare aujourd'hui d'attraper quelqu'un qui a fait un braquage et de le condamner à 30 ans de prison. En général, quand on n'a pas l'arme du but... Enfin, pour mettre quelqu'un en prison déjà... pour un braquage, faut l'arme, faut le butin et la reconnaissance des faits. Donc évidemment, le moindre petit braqueur de boulangerie qui fait son coup, il pique les 300 euros de la caisse, il jette le flingue dans la Seine, il reconnaît jamais les faits, et vous trouverez pas les bijoux, l'argent chez lui, quoi. Donc vous l'emmenez chez le juge, il y a des traces ADN ou des empreintes, c'est pas moi, personne dit que c'est moi, il y en a un qui dit que c'est moi, je vous reconnais, c'est pas moi, la vidéo. Donc c'est difficile aujourd'hui, mais à l'époque, encore une fois, vu le contexte politique, l'affront peut-être personnel qui avait été ressenti par les autorités à l'époque, a peut-être fait qu'ils ont dû faire peut-être quelques arrondis là-dessus. Alors, où est l'argent? Vous n'allez pas me dire que vous savez où il est, évidemment. Personne ne le sait, mais quelles sont les hypothèses qu'on peut tirer de ça? Ou l'argent, en plus, c'est de l'argent qui prend de la place. Hein, c'est pas des écritures bancaires, c'est pas du numérique, du billet, dans les sacs, mais c'est gros des sacs. Qu'est-ce qui a pu se passer là, franchement? Je ne sais pas, cet argent, encore une fois, il y a eu le partage déjà. Donc ça veut dire qu'ils étaient 18, je crois, il y a plusieurs sources, après ils étaient 18, 20, mais 18 personnes, chacun prend une partie, ils le dépensent, c'est du cash, donc du cash, vous n'allez pas le déposer à la banque, hein, donc le cash, vous le dépensez, il y en a, il a acheté un bar, un autre, il avait acheté, je sais pas, un garage, un bar de plage, bon, c'est facile à réinvestir dans des pays où on ne va pas vous demander d'où vient l'argent, et puis après, si vous êtes en cavale tout le temps, vous devez forcément l'enterrer quelque part, cet argent. Alors, il y a ceux qui sont en cavale, et on sait qu'ils sont en cavale, puisqu'ils ont témoigné bien des années après dans un pays où ils étaient protégés. Puis, il y a ceux qui sont en cavale, mais encore plus globalement, qui étaient les autres qu'on n'a pas retrouvés. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être eu des gens, peut-être encore en vie, qui ont participé à ça, sans jamais l'avoir dit, malgré l'ego, malgré l'envie de le dire. Alors, je sais pas, mais quand on lit, rappelez-vous, faut faire attention, parce que après le braquage, donc là, vous surfez sur la vague de l'aura, de la génération des vocations, de votre nom dans la presse, et quand je parle pas des bouquins ou des conférences qu'il a pu donner après, vous exagérez toujours un petit peu. Mais dans les choses qu'on peut lire ou qu'on peut retrouver de l'époque ou même jusqu'à aujourd'hui, il y aurait ce fameux Brain, ou l'homme qui à l'origine, et je crois même dès 1955, avait prévu de demander à la pègre locale de faire un super coup, etc. Les gens lui auraient dit non. Après, il aurait trouvé donc ces deux cambrioleurs, alors peut-être pas chevronnés aguerris, mais plus ou moins connus des services, qui auraient dit écoutez, moi, je vais le faire. Ils ont été chercher une quinzaine de copains sans leur dire exactement pourquoi ils allaient le faire, etc. Mais écoutez, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? En tout cas, si c'est vrai, ce jeune homme dont le nom n'a jamais été dévoilé et qui peut-être donc a les sous dans son jardin, il doit bien rigoler. Oui, donc ça veut dire qu'il y a peut-être une ou plusieurs personnes qui aujourd'hui en Grande-Bretagne se baladent, font leurs courses, et puis ils ont fait partie de... Bon, avec les biais de l'époque, hein, bien sûr. Bon, ceux-là, ça nécessite qu'ils aient pas trop d'ego, hein, ou alors qu'ils fassent la part des choses entre la satisfaction de l'ego et les problèmes que ça peut leur poser, s'ils parlent trop. Et dernière chose, qu'est-ce qui fait que vous êtes intéressé à ce braquage-là? Bon, la réponse est dans la... dans le titre de votre livre, hein, braquage. Forcément, c'est un maître étalon du braquage. Oui, alors le braquage, c'est à la fois le processus de maturation qui est intéressant, parce que les gens souvent ils se disent aujourd'hui c'est plus jeune, c'est plus violent, etc. C'était beaucoup plus violent au Moyen-Âge et au début des deux derniers siècles, mais encore une fois le processus, c'est un processus de maturation, c'est un choix de vie, même si on les plaint de regret, si on l'analyse de façon objective, mais on peut pas le maîtriser. Bien, merci en tout cas, Dornelli, pour vos éclairages autour de cette histoire fascinante. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui l'attaque du train postal Glasgow-Londres, le casse du siècle, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, alors que nous entrons dans la primaire de la gauche, enfin une partie de la gauche, nous évoquerons le congrès des socialistes à Reims en 2008.